pluie s'efface. Tes mots que j'aime, ce que je déteste. Certes que tu glisses, rien que pour me tester. Tes mots du début et ceux de la fin, les plus vicieux et les plus malins. Il court, le bruit de ses mots. Il court, ambigu sont ses échos. Il court, ravage tout sur son passage. Et prend nos faiblesses en otage. Alors, c'est la puissance de tes mots. Plus fort que les coups. Vicieux sont les idées qui te poussent à bout. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Celui qui te veut du bien peut aussi te détruire. J'ai vu des gens péter un plan, tourner en rond parce que fatigués de penser, ils finissent comme des moutons. Des mots à outrance te donneront mal à la tête.